degrés en Ardennes ainsi qu'au littoral, 28 sur le centre et même 29 localement sur la campagne et sur l'extrême sud du pays. Après une nuit calme, demain le soleil se montrera encore généreux. On aura un petit vent de sud-ouest, il fera un peu moins chaud qu'aujourd'hui, mais toujours des températures bien agréables de 21 à localement 24 degrés. Le week-end s'annonce légèrement plus nuageux, mais les températures repartiront à la hausse dès samedi. Vous écoutez Vivacité, il est 13h. Voici les titres de du journal de 13h. Salah Abdeslam refuse toujours de parler devant les juges et il n'a pas à se justifier. C'est son avocat français qui le dit. Il était présent ce matin aux côtés de son client devant le juge antiterroriste à Paris. Petite éclaircie dans le ciel de Caterpillar. En tout cas, la négociation a peut-être un petit peu plus d'avenir aujourd'hui qu'hier. La direction américaine a accepté de rencontrer le gouvernement wallon. Ce sera mercredi prochain. Les responsables politiques feront tout pour convaincre les Américains de changer leur fusil d'épaule et de ne pas procéder à la fermeture pure et simple du site de Gosselies. La météo nous gâte ces derniers jours. Un beau soleil, bien agréable pour la rentrée des classes, la rentrée tout court d'ailleurs. Eh bien, ce n'est pas pour rassurer les vignerons. La fin du printemps et le début de l'été ont ruiné les vignes cette année. Pas de récolte à Thuin, par exemple. La météo ne ravit pas non plus les hérissons. Les petits nés cette année ont trop chaud et trop soif. On en parle à la fin du journal. Le journal de la mi-journée, présenté par vous, Manu Delporte. Bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Salah Abdeslam, toujours muet donc devant le juge. Le principal suspect, encore en vie des attentats de Paris, était devant le juge antiterroriste à Paris ce matin. Il a quitté sa cellule à la prison de Fleury-Mérogis très tôt. Il est arrivé au palais de justice vers 7h30 pour être entendu par le juge antiterroriste, un déplacement sous haute surveillance, on l'imagine, et ce constat, Salah Abdeslam se mure toujours dans son silence, comme il le fait depuis son transfert de la prison de Bruges. Franck Berton, son avocat français, n'est pas spécialement étonné par ce silence. Nous, avec Sven Marie, on sait très bien que Salah Abdeslam avait indiqué qu'il souhaitait s'expliquer devant les juges français, donc on ne désespère pas qu'il s'explique devant les juges français, ce n'est pas pour aujourd'hui, pendant un interrogatoire qui a duré environ une heure et demie. Donc il a souhaité garder pour la troisième fois le silence suite aux questions qui lui ont été cette fois-ci posées par le juge. Voilà, donc on n'a pas grand-chose d'autre à vous dire en l'état actuel, si ce n'est que le juge poursuit son instruction, poursuit ses interrogatoires, qu'il parle ou qu'il ne parle pas, et en l'état actuel, il ne souhaite pas parler. Il exerce ce droit, donc il lui appartient, il n'a pas à le justifier. Hein, il ne le justifie pas devant le juge. Vous allez continuer à le défendre. Voilà, donc en l'état actuel, nous en sommes là. Et un autre rendez-vous sera sûrement fixé par le juge d'instruction. Pour le reste, on n'a pas d'autres commentaires à vous faire. Franck Berton, présent avec Sven Marie, l'avocat belge de Salah Abdeslam, dans les bureaux du juge d'instruction concernant les attentats de Paris. Il répondait aux questions de Patrick Michal. Un second couple arrêté en France après la découverte de 5 bonbonnes de gaz dans le coffre d'une voiture sans plaque, une voiture garée près de Notre-Dame de Paris, au lieu touristique en France. Le propriétaire de la voiture, fiché, a été entendu puis relâché. Sa fille, qui l'a lui-même décrite comme radicalisée, est en revanche toujours recherchée. Et on a appris ce matin qu'un second couple est actuellement entendu, 2 personnes arrêtées dans le sud de la France, qui avaient déjà été entendues par la justice après l'attentat de Nice en juillet 2016. François Hollande, le président français, faisait justement ce midi un discours sur la démocratie face au terrorisme, salle Wagram à Paris, salle de spectacle, un discours devant 800 personnes et plus de 150 journalistes. Il s'est montré très critique vis-à-vis de la droite, expliquant que la droite, en ce moment, l'empêchait de mener les réformes qu'il souhaitait faire. Il il s'est dit prêt aussi à continuer à défendre les Français. Les militaires, eux, en ont ras-le-bol de jouer les intérimaires de la police fédérale. Depuis des mois, ils sont en rue pour soutenir la police. Eh bien, le nouveau patron de l'armée, le général Marc Coppernol, veut qu'on diminue le nombre de militaires mobilisés pour ce job. Ils sont 1800 pour l'instant et ils perdent des compétences. Le mandat expire le 2 octobre et dans la Libre Belgique ce matin, le patron de l'armée aspire donc à ce qu'on diminue le nombre de militaires mobilisés pour cette opération. Le dossier Caterpillar à présent avec cette rencontre annoncée entre le gouvernement wallon et la direction américaine mercredi prochain. Le gouvernement wallon veut tenter de convaincre la direction que le site est viable en tout ou en partie. Et si la fermeture est inévitable, eh bien il faut pouvoir travailler sur plusieurs scénarios. Bref, Rudy Hermans, l'ambiance se décrispe un peu dans ce dossier. Le gouvernement wallon n'a pas été très précis, mais il semble que l'émissaire qui a enfin répondu à son invitation sera un des plus hauts dirigeants de Caterpillar aux États-Unis. Il pourrait s'agir de celui qui dirige la branche d'activité dont dépend le site de Gosselies. Objectif, connaître clairement les intentions du géant américain, ses motivations et ses arguments. Paul Magnette, le ministre-président. J'ai demandé à la direction américaine de venir ici à Namur. Je les rencontrerai en compagnie du ministre Marcourt pour examiner avec eux le cadre de ces négociations, avec notre première priorité qui est de leur démontrer que leur raisonnement est économiquement non fondé et le cas échéant, s'ils confirment leur décision, voir alors comment on organise la négociation. Le gouvernement régional veut donc procéder dans l'ordre avant de penser à une reprise ou une reconversion du site, d'abord tenter de sauver ce qui peut l'être. Mais la ministre de l'Emploi en Wallonie le reconnaît, l'espoir de faire plier Caterpillar est vraiment très limité. Eliane Tillieu. L'espoir est extrêmement mince lorsque la rencontre avec des dirigeants américains de Caterpillar sera clôturée. Nous saurons, est-ce que oui, c'est possible, est-ce que non, c'est pas possible, ce sera définitif à ce moment-là. La réunion de mercredi prochain revêt donc une importance capitale pour la suite de la procédure. Elle permettra de rendre un peu d'espoir aux travailleurs de Caterpillar ou de définitivement tourner cette page avant peut-être d'en écrire une autre. 20 ans de prison, 15 ans de mise à disposition, c'est ce que réclame le parquet dans l'affaire de l'attaque à l'acide du Deleuze d'Anvers. C'était en février 2015. L'auteur des faits est considéré comme un individu réellement dangereux. La victime, une femme de ménage du supermarché, réclame de son côté 500 000 d'euros de dommages et intérêts. Le jugement n'est pas attendu avant quelques semaines. Un temps superbe, largement inattendu pour un 8 septembre, mais on ne s'en plaindra pas. Les températures sont au-dessus des normales saisonnières, mais il faut le savoir, pas tout à fait exceptionnelles. Toute l'Europe est concernée par des températures élevées. On a battu des records en Espagne avec 44,8 à Séville et à Cordoue mardi. En Belgique, le record pour le mois de septembre date du 4 septembre 1929, il faisait alors plus de 34 degrés. Alors ce beau temps actuel devrait permettre des vendanges très agréables. Eh bien c'est tout le contraire. On vous a déjà parlé des soucis dans le Bordelais et en Champagne. Eh bien les vignerons wallons, eux aussi, font la grimace cette année. La récolte s'annonce moins bonne. Trop de pluie au mois de mai, juin, juillet. Les abeilles n'ont pas pu polliniser. À Thuin, au sud de Charleroi, la SBL, le vignoble tudinien, annule carrément ses vendanges. Mathieu Van Winkel était ce matin entre les pieds de vigne, reportage. Voilà, donc ici nous sommes sur les terrains du Clos des Oives. Donc on voit bien, petit raisin, partie mûr, partie absolument pas mûr. Là c'est un problème au niveau de la floraison, il faisait très froid, pluvieux, les abeilles pas trop motivé pour la pollinisation. Et voilà un petit peu le résultat. Oui, on voit clairement, il y a des petits raisins blancs, des raisins rouges, il y a un peu de tout. Voilà, et fort petit et très très peu. Et donc, verdict sans appel pour Pierre et Christophe. Cette année, ils ne récolteront rien. Il n'y aura pas de millésime 2016 pour le Clos des Oives. Une récolte qui aurait dû fermenter à quelques pas de là, à la distillerie de Biercé. Une année normale, c'est 1000 bouteilles de 50 centilitres. Ça veut dire une grosse perte ici pour vous cette année ? Le problème, c'est que on est comme des paysans. On a entretenu la vigne toute l'année de façon normale. Donc on a travaillé dedans. Et puis au bout du compte, on n'a pas de résultat, ce qui veut dire qu'on n'aura pas de bouteilles. Oui, on va avoir une perte sèche financière, ouais, ça c'est sûr. Mais bon, on a eu des bonnes années précédemment, on a encore du stock, on peut survivre à cette année sans. Mais je veux dire, il ne faudrait pas que ça se reproduise tous les deux ans. Ça, c'est, voilà. Les fûts de chêne installés dans la distillerie resteront donc vides cette année, à charge de revanche l'année prochaine. Tiens, Pierre. Santé. Et figurez-vous que cette météo, eh bien, elle ne ravit pas non plus les hérissons. Oui, les hérissons, il fait trop sec pour eux. De nombreux hérissons arrivent complètement déshydratés dans les refuges pour animaux. Et comme la sécheresse de fin de saison s'ajoute à un printemps froid et humide, les nichées de cette année sont arrivées plus tard. Les petits risquent donc de ne pas passer l'hiver. Daniel Marlier-Imoff est gestionnaire du CREAVES, le Clos de l'Olivier, un centre de revalidation pour animaux situé à Jurbis, près de Mons. Normalement, le hérisson commence à la nidification à partir de fin mars jusqu'au mois d'octobre. Mais le gros moment de la nidification, c'est mars, avril, mai et juin. Après, ça devient un peu plus compliqué pour les hérissons parce que quand ils vont arriver au mois de novembre, il n'est pas certain qu'ils vont avoir le poids minimum qui est de 500 grammes. Pour avoir une chance de passer un hiver normal. Donc les jeunes que nous avons maintenant au centre, ben, nous sommes occupés bien sûr à les nourrir et à les soigner pour qu'ils aient une chance d'avoir ces fameux 500 grammes avant de les remettre en liberté, parce que sinon ils ont très peu de chances de survie pour l'hiver. Interview signée David Riffon et un conseil donc pour protéger les hérissons. Il faut leur donner un peu d'eau dans une coupelle, quelques croquettes pour chien ou pour chat et surtout pas de lait. On va voir comment ça se passe sur les routes cet après-midi. Pierre Collard-Bovy, un accident en Flandre. Un accident qui est terminé. C'est une bonne nouvelle, ça, sur le 314 Maas-Mechelen-Louvain, hauteur d'Olsbeek. Il y avait des files depuis Tilt, mais vous perdiez 45 minutes, donc ça se résorbe. Il n'y a plus que 35 minutes maintenant perdues, mais ça va aller de mieux en mieux. C'est une très bonne nouvelle. Alors, des travaux toujours sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles, à hauteur de Charade. Vers Bruxelles, ça roule pour l'instant. Vers l'Allemagne, vous perdez 35 minutes entre Votem et Charade. Attention à ce camion en panne avec perte d'huile sur le 25 Liège-Bastogne à hauteur de Tilf. Les bandes droites et l'arrêt d'urgence sont neutralisées en direction de Bastogne. Attention, l'huile coulait peut-être depuis un certain temps, donc la chaussée risque d'être glissante en amont. Alors sur le ring de Bruxelles, quelques ralentissements mais sans grande importance pour le moment. En revanche, à la frontière française, sur le 17 Gand-Lille entre Requem et la Croix-Blanche, vous perdez 35 minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et maintenant, c'est la vie du bon côté. C'est Sylvie Honoré, toujours en pleine création. C'est toujours vrai. En bonne compagnie, absolument. Nous créons. Vous créez en permanence. Complètement, complètement. Je crée le moment maintenant que nous vivons. Vous créez, vous avez créé un journal. Vous avez... Enfin voilà, on va... Voilà, on va parler de tout ça. Merci Manu pour ce journal justement, qui est terminé. L'info revient à 14h. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue en ce jeudi ensoleillé. Malgré tout, ça fait plaisir de savoir encore une fois que tout à l'heure, quand on ira faire dodo, demain matin, le soleil sera toujours présent. Moi, ça me rend de bonne humeur. Pas vous, Jean-Marie Muller? Oui, j'adore. En Suisse, il fait beau aussi, oui. En ce moment? Oui. Vous avez le même soleil que nous? Oui, un peu moins chaud. Oui, sûrement. Hein. Voilà. Oui. Il y a quelques jours, j'étais dans le sud de la France. Là, 38, ça fait un peu. Ça fait beaucoup. Ouais. Ouais. C'est pas la même chaleur hein, quand ouais, on est en sud de la France. J'aime bien la chaleur, mais quand même. D'accord. Bon, la nôtre, elle est bien. Oui, elle est parfaite. Nous allons avec vous, donc, je rappelle Jean-Marie Muller, que vous êtes médium, que vous êtes conférencier suisse. Nous allons donc parler des secrets de la loi de création. C'est pas la loi de la création, hein. Il faut faire une différence entre les deux. Oui, oui, sans. Parce que la loi de la création, ça fait biblique. Hein. Oui, ça fait. Oui, oui. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, vraiment, dans le côté création, c'est vraiment de dire comment on crée tout ce qu'on vit à chaque instant. Voilà. C'est ça, ouais. Oui. Tout ce qu'on vit à chaque instant. Bon, ben voilà, moi ça m'intéresse en effet de parler de ça parce que je vous rejoins. Bon, j'ai évidemment un état d'esprit très ouvert, hein, très optimiste. Mais voilà, j'entends ce que vous dites, que nous sommes les créateurs d'un ensemble de choses. Vous dites que nous créons en effet à chaque seconde tout ce qui existe dans l'univers. Qu'est-ce que vous avez créé aujourd'hui jusqu'à 13h14? Vous avez créé quoi depuis que vous êtes levé? Dites-moi. Mais absolument tout ce que je suis en train de vivre. Mais c'est clair, on va peut-être pas tout de suite aller dans l'univers. Mais c'est quoi? Bah oui, la rencontre avec des petites choses. Voilà, ça faisait vraiment les petites choses. Je pense que le plus intéressant, c'est tout dans tout ce qu'on vit au quotidien. Il y a vraiment tout. Il y a tout ce qui est intéressant à savoir. Il y a une foule de choses qui se passent dans ces moments qu'on vit, mais dont la plupart des choses d'ailleurs nous échappent, soyons honnêtes. Moi, j'ai des fois dans des dîners de famille ou des choses comme ça, où les gens peut-être ont moins cette ouverture, on a l'impression qu'il se passe peu de choses et on a l'impression, avec un autre œil, il y a un univers de choses, même des règlements de compte qu'on voit. Ouais. Depuis 3 ans, je voyais tout d'un coup quelqu'un de la famille précisément règle toujours ses comptes de la même manière avec la tante et tout ça. Et on voit des choses, mais vraiment incroyables. Pas toujours gentilles d'ailleurs, on n'est pas... On est tout à fait d'accord, Enfin bref, en effet, nous créons tous, en effet, ce que nous vivons. Voilà, ce que nous vivons intérieurement. Bon, faut évidemment le prendre d'une façon... On mettra quand même des nuances par rapport à ça. Les choses négatives et tout ça, on va quand même aussi peser le pour et le contre. Bon voilà, moi je suis un peu dans un état d'esprit positif et optimiste pour vous présenter ce sujet. Allez, venez interagir avec nous, si vous souhaitez en parler, avec Jean-Marie Muller, la Suisse. Aujourd'hui, donc hier c'était le Québec, aujourd'hui la Suisse, demain la France, avec le professeur Joyeux, j'adore. Je voyage évidemment grâce à cette émission. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous souhaitez intervenir, 50 centimes par message. C'est parti. La vie du bon côté. Stay. une heure sur Vivacité. Jean-Marie Muller, notre invité suisse, il est thérapeute, il est conférencier, il est en Belgique en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il participe au salon Zentopia à Verviers. Oui. C'est pas la première fois ? Si, c'est la première fois. C'est la première fois. Vous serez aussi en atelier le mois prochain, les 15 et 16 octobre, à Waterloo. Voilà, on aura l'occasion de parler de votre actualité au salon Zentopia. Vous serez samedi de 14h15 à 15h30 pour une conférence. Voilà, Jean-Marie Muller. On parle aujourd'hui de création, pas de la création, de création. C'est différent. Vous avez fait la nuance et vous avez raison de la faire. On aura dans quelques instants Fabienne, qui veut déjà intervenir. J'adore quand ça prend déjà comme ça. Et encore une fois, ce n'est pas un sujet spirituel. Hein, on n'est pas des ovnis. Vous n'êtes pas un ovni. Non, c'est... On essaie justement d'interpeller tout le monde. Oui. Non, mais je suis quelqu'un de très cartésien. Et beaucoup de gens disent toujours, oui, mais t'es finalement très, très sceptique sur beaucoup de choses. Oui, je suis quelqu'un de très sceptique. Oui. Mais j'ai aussi vécu suffisamment de choses pour même mettre la dimension, on va dire, entre guillemets, spirituelle. Parce que spirituel... On peut toujours en mettre une petite dose. Oui, mais c'est sans être dans la religion. Donc ça n'a rien à voir. Non, c'est vraiment cette dimension. On se pose quand même quelques questions sur nos états d'âme. Tout à fait. Sur ce qu'on est venu faire ici. Enfin, c'est spirituel. Les simples questions. Déjà se questionner là-dessus. Où on sort, disons, du boulot dodo comme je faisais à une époque. Et où on se dit, tiens, mais quand même, c'est pas venu juste pour ça. Ou qu'est-ce qui fait que je tombe toujours malade à telle et telle date de l'année. Ou que je tombe toujours sur le même genre de femme. Je dis, c'est pas possible. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ben, la plupart des choses, j'ai vu m'échapper. Et pourtant, j'avais déjà, on va dire, des connaissances, j'ai suivi des stages, des séminaires, mais ce quelque chose de profond m'échappait. Et j'avais envie de savoir, justement, qu'est-ce qui fait que j'attire ce genre de personnes ou que je crée toujours le même genre. J'avais de l'épilepsie. À un moment précis, ça arrivait de l'année. Quand j'étais surchargé, donc j'ai dit tout ça et vraiment maintenant je peux mieux le voir, l'appréhender parce que je vois comment j'arrive à créer que ce soit les choses d'ailleurs belles, d'accord, les deux choses c'est le même principe, c'est que tout ce que je vais vivre, des choses magnifiques, les belles rencontres, je le crée, mais y compris les tuiles, les fameuses tuiles, des fois on se dit, oh, bon, j'y peux rien, c'est ou bien je suis épileptique, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, c'est une maladie de famille, ben pourtant j'ai vu qu'il y a quand même des déclencheurs, et d'ailleurs que ça fait des années, je ne prends plus de médicaments, plus rien, et ça se passe très très bien, donc j'ai même plus les petits symptômes comme ça, et je trouve ça extraordinaire, donc ici c'est pas pour parler de médecine, mais simplement je m'en suis libéré, et c'est ce qui compte finalement, c'est que je vis sans. C'est demain que nous parlerons de médecine. Professeur Henri Joyeux, qui sera à votre place, hein, qui est quand même quelqu'un de fort connu. Voilà, on ne sera pas du tout polémique. C'est pas mon genre. Donc moi, je vais accueillir ce monsieur avec tout ce qu'il a envie de dire, en disant c'est votre avis. Voilà, les auditeurs interagiront. Oui. Téléphoneront. Mais pourquoi je dis pas téléphoner ? Téléphoneront, voilà, demain, pour parler avec le professeur Joyeux. C'est Fabienne, dans quelques instants, que nous avons au bout du fil. Elle commence bien son message. Elle dit, Sylvie, je ne crois pas au hasard. Et puis, elle parlera un petit peu de ce qu'elle veut dire par là. Fabienne, ne bougez pas. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina.be, c'est bien pensé. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. En selle, citoyens, ce samedi, place Saint-Lambert pour un circuit de 25 km à la découverte de la Cité Ardente. À l'arrivée, point d'orgue de l'action De Beaux Citoyens, le concert de l'Opéra Royal de Liège, accompagné par l'orchestre et ses chœurs, avec Suarez et Alison The Roof. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Win for Life, c'est 2000 euros par mois à vie. De quoi partir si souvent à Marbella que tu en oublierais parfois que tu es juste en Belgique. Bonjour monsieur. Hola señor. Alors, cuatro pistoleros y dos gozetas con pomas, por favor. Mais vous pouvez parler en français monsieur, hein, pas de problème. Alors ça, pour un hasard, c'est un hasard. Faut que je tombe sur un boulanger belge à la Costa del Sol. Ça fait longtemps que vous êtes installé ici? Joue à Win4Life dans ton point de vente, online ou sur mobile. Win4Life, du fun for life. Viva Bruxelles et la 3 présente L'île au trésor dans une adaptation de Thierry Janssen. Après les 3 mousquetaires, revivez une aventure extraordinaire. Un trésor, des pirates, un bateau et des personnages hauts en couleur pour toute la famille à partir de 5 ans. À voir jusqu'au 23 octobre au Théâtre Royal du Parc. 02 505 30 30 ou théâtreduparc.be avec la Libre Belgique. Vivacité La 3 et BNP Paribas Fortis présentent la 31e édition du Festival international du film francophone de Namur. Fiction, documentaire et animation, plus de 140 films du 30 septembre au 6 octobre. Faites le plein d'émotions au FIF. Plus d'infos sur FIF.be. Avec la ville et la province de Namur, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Avec Sylvie Honoré. Et Jean-Marie Muller, il est thérapeute, conférencier suisse. Il vient de là, il est là. Cette semaine en Belgique, pour participer notamment au salon Zentopia, il reviendra en octobre pour participer à un atelier, pour donner un atelier, un week-end à Waterloo. Nous parlons en effet de cet état créatif. Nous pouvons nous mettre en position créative pour beaucoup de choses, pour beaucoup de situations que nous vivons à chaque instant. On a dit beaucoup, on n'a pas dit tout, évidemment. Beaucoup de choses, voilà, beaucoup d'événements, de situations. C'est une vision de l'esprit. Enfin, ce n'est pas qu'une vision de l'esprit. Voilà, ce n'est pas qu'une vision de l'esprit. J'ai envie d'avoir votre ressenti par rapport à ça. Fabienne, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Jean-Marie. Bonjour. Déjà, vous entendez bien ce qu'on veut dire par là? Je pense. Oui. Donc moi, je pense que vraiment que le hasard n'existe pas. Avant, j'étais quelqu'un d'assez pessimiste, je subissais plutôt les événements. Et depuis quelque temps, je remarque que c'est le regard que je pose sur les choses qui détermine mon attitude et qui détermine la réaction des autres. Donc quand on prend la vie en souriant, quand on voit les choses de manière optimiste et positive, on obtient d'autres choses. Je note le regard qu'on porte sur les choses. Mais c'est comme le matin, on choisit ses vêtements dans sa garde-robe. Eh bien, moi, je choisis la manière dont je vais voir les choses aujourd'hui. C'est vraiment ça, oui. Jean-Marie. Disons que c'est une partie de l'équation. C'est déjà, je trouve, un grand pas. C'est effectivement de voir les choses d'une manière positive. Mais je ne trouve pas que c'est suffisant. Ah, il faut aussi voir les choses qui sont parfois négatives parce que il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui nous échappent dans ce sens-là, d'accord. Il y a des choses dans notre vie qui nous échappent totalement, qui vont créer telle et telle situation qu'on a besoin de regarder aussi, d'accord. Parce que quand on parle de créer, ça peut aussi être des choses négatives. Alors, je ne veux pas me focaliser sur le négatif, mais de mieux comprendre ce qui m'entoure, parce que ça va me permettre de voir aussi déjà moi et les autres comment on peut faire des fois qu'une situation s'envenime ou tourne au drame, ou alors même ça va plus loin, hein, dans des bureaux, moi je voyais où tout le monde est dépressif et on ne se rend pas compte qu'est-ce qui se passe, d'accord. Moi j'amène plutôt le fait d'être conscient que nous sommes multiples et nous créons à gauche et à droite sans nous en rendre compte, d'accord. Mais c'est clair d'avoir une vision plutôt positive des choses, d'essayer de mettre son regard sur le soleil qui existe déjà, c'est important, parce que sinon, le but c'est pas de focaliser seulement sur les choses qui sont négatives. Mais on a besoin de s'arrêter, et puis après on a besoin d'aller à l'intérieur, c'est-à-dire vraiment de prendre le temps de voir ce qui se passe. Je donne un exemple, des fois dans le couple, on voit bien qu'il y a des choses qui nous échappent, qui créent chaque fois des conflits, d'accord. Et souvent, ça nous échappe vraiment. Je vois des fois même des comportements d'enfants qu'on a chacun, mais on ne le voit pas. Et du coup, à chaque fois, ça recommence. On se dit, mais ce n'est pas possible. Pourtant, on a tout fait. On a déjà dit, partagé, on a vu le positif. Mais ça revient parce qu'à un niveau plus profond, il y a des demandes, il y a des besoins qu'on a. Mais ça, c'est au niveau, on va dire, des relations où je pense déjà qu'il y a dans les relations humaines, dans le quotidien, c'est magnifique. Il y a tout ce qu'il faut pour bien comprendre la vie, à mon avis. C'est là où tout réside. Le secret réside là, oui. Bon, ben c'est déjà une belle approche. Grâce à vous, Fabienne, merci beaucoup pour votre intervention. Merci, Jean-Marie Muller, vraiment d'aiguiller déjà la conversation, c'est pas un débat, ça le sera jamais, la conversation avec les auditeurs par rapport à ça. J'espère que ça vous parle. 070 23 33 23 pour SMS 3063, juste après Julien Doré. Et le lac se dessine. Courageux et fort, où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre cime, la forêt se tord, l'horizon soupire, t'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Avec le lac, il sera un des invités prestigieux de la soirée Cap 48 le dimanche 9 octobre. 6, 7, 8, 9, oui, 9 octobre. Julien Doré, Cap 48, en parlant de Cap 48, là aussi, je me mets dans une position de création par rapport à deux journées que nous organisons cette année. Continuez à nous envoyer, n'oubliez pas, un email pour la demande de renseignements. Donc vraiment, parce qu'il faut vous inscrire à des ateliers à Mons le 30 septembre. Il faut avoir votre choix au niveau de la matinée ou de l'après-midi et votre choix en matière d'atelier. Donc je dis ça pour les personnes qui ont pris déjà les renseignements et qui ont le numéro de compte et qui vont me verser 48 euros. Faites surtout, envoyez-moi un email, lavidubonconcoté@rtbf.be, soit pour la demande de renseignement, soit pour me dire ce que vous souhaitez entre Mons le matin, entre Mons l'après-midi et entre Liège le 6 octobre. Voilà, ça c'est important. Jean-Marie Muller, on se remet dans la position de création avec lui. 070 23 33 23, SMS 3063. Du 3 au 24 septembre, c'est l'anniversaire chic des magasins Schmitt. Monsieur, vous devriez manquer ça pour rien au monde. Un anniversaire où c'est vous qui recevez des cadeaux? Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Votre cuisine Schmitt à partir de 6 400 €, électroménager inclus. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Du 3 au 24 septembre, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt à Gembloux, Nivelles, Waterloo, Wavre, Sint-Pietersleu, Uccle et maintenant à Bruxelles-Louise. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Le garage Le Sage de Watermal Boisfort est heureux de vous annoncer l'arrivée de la nouvelle Baleno, la citadine de chez Suzuki, qui vous fera voir du pays grâce à son nouveau moteur turbo de 1000 cm3. La nouvelle Baleno, à découvrir au garage Le Sage lors des journées portes ouvertes le week-end des 9, 10 et 11 septembre. Garage Suzuki Le Sage, chaussée de la Hulpe 225 à Watermal Boisfort. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival, les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements teff.be avec Cap 48 et Vivre Ici. Viva Bruxelles est là de présente, Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du Beauvélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi oui, une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Pendant les BMW Innovation Deals, il y a déjà une BMW série 2 Active Tourer Edition à partir de 27 400 €. Profitez-en jusqu'au 15 octobre. La vie du bon côté sur Vivacité. On vous fait réfléchir encore aujourd'hui. C'est vrai, c'est un travail de tous les jours, hein, finalement. On vous fait réfléchir à ce qu'on dit, finalement, à ce que lui vient nous dire, Jean-Marie Muller. Il sera au salon Zentopia pour faire une conférence là-dessus, hein, sur les secrets de la loi de création. Oui. Donc, encore une fois, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous créons à chaque seconde, dites-vous, tout ce qui existe dans l'univers, de la plus petite particule d'atomes aux milliards d'étoiles qui peuplent la galaxie. Si je m'arrête là, les gens vont dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est encore que ça ?» Non. On est très cartésien, cartésien. Mais bien sûr, moi je l'ai mis comme ça parce que j'en suis absolument sûr. Maintenant, on va rester dans ce qui nous intéresse plus proche. Oui, d'accord, n'allons pas trop loin dans la galaxie. À mon avis, c'est déjà pas mal. Déjà dans le quotidien. Voilà, mais je vais donner un exemple peut-être pour que les gens puissent se rendre compte. D'accord. Le but en somme, c'est que ça va donner un travail sur soi forcément pour devenir plus conscient, de voir comment on crée. Et ça, c'est important. Je donne un exemple. Voilà. Je fais plus de consultations privées depuis un certain temps déjà parce que j'ai beaucoup de je pars déjà beaucoup et puis c'est quelque chose que je voulais pas spécialement faire. C'était mon choix et puis à un moment donné j'étais quand même obligé d'en faire parce que pendant un mois j'ai pas été en vacances et tout ça et j'ai senti une colère très forte venir, j'étais pas content et je sais par habitude qu'à l'intérieur de moi, hein, comme on est composé d'une multitude de facettes, hein, qu'une partie de moi était furieuse et j'ai dit tiens, il faut que tu ailles évacuer sinon je sais ce que ça donne. Hein, mais ça, c'est moi. Toute la journée, je sens cette colère qui monte, tout ça, bien sûr. Déjà au début de la journée, je sens vraiment, je vois mon brin qui part comme ça. Et je vois mon téléphone, là, que je venais d'acheter, qui se retourne et qui tombe, qui est cassé. D'accord ? Et là, je me suis rendu compte, comme je n'avais pas pris conscience vraiment et que je n'ai pas fait le nécessaire avec cette partie de moi furieuse, donc j'ai appris, comme dans ma famille, à être punitif avec moi-même. Et ça passe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la journée est passée, je me suis dit, oulala, j'ai encore plus de colère, ça continue, mon désastre, et je me vois faire en reculant avec la voiture, et pof, Et voilà, le drame est arrivé. Donc, tout ça, en somme, c'est une création, puisque j'étais furieux, simplement. Donc, du coup, durant toute ma vie, j'aurais pu dire que tout ça est le... fruit du hasard. Ouais, c'est le fruit du hasard. J'étais vraiment une moche, journée épouvantable. Mais je peux le prendre autrement. Parce que, parce que l'émotion, finalement, elle part de vous. Vous savez ce que vous vivez ce jour-là. Je vois, parce que ça m'est déjà arrivé. Vous mettez tout en mode colère, quoi, quelque part. Oui, voilà. C'est un peu... Et c'est dommage, parce que j'ai les outils. J'ai dit, le matin, il faut que tu ailles évacuer. Allez, vas-y un peu dans la forêt, ou crie un peu dans la voiture, fais quelque chose pour... Et ça, vous faites, hein? Oui. Parce que vous l'avez dit la fois dernière, ensemble, c'est je une souviens. Décharge émotionnelle qu'on crier. A. Hein. Ouais. L'émotion, c'est une énergie, d'accord? Donc, si je la maintiens comme ça, et je vois, en plus, je le vois maintenant avec mes yeux, j'arrive à me lire et à lire les gens, ce qui se passe, ce qui ne va pas. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que je peux me dire, mais bon Dieu, c'est la faute, t'as pas de chance, c'est une mauvaise journée, ou je peux dire, oui, comment j'ai mis tout ça en place. Et dans notre famille, par exemple, nous, on a plutôt appris à s'auto-punir. Dès que quelque chose ne va pas, on s'auto-punit. Mais il y en a beaucoup qui s'auto-punissent sans le savoir. Hein. Ah, ça, il y en a, je y en a vous beaucoup. Dire, mon frère, la même chose. À mon avis, incroyable. Ça doit être un sur deux. Hein. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Pourtant, je sais, eh ben, ça lui a coûté le permis, 3 000, 4 000 euros d'amende. Et tout ça peut être... Je veux dire, le but, c'est qu'on puisse éviter certaines choses difficiles dans notre vie. Moi, je ne sais pas, je pense qu'on est un peu tous faits du même bois. On a envie d'être heureux. On n'a pas envie de vivre dans des conflits. On n'a pas envie que notre vie... voilà... qu'elle soit misérable ou toujours dramatique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des choses lourdes, difficiles. Donc, à mon avis, on peut créer autre chose, mais pour ça, il faut faire un petit pas. C'est d'oser un peu ouvrir et en se disant, tiens, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas en moi, ou pourquoi je crée toujours ces mêmes choses? Et c'est intéressant de voir que... Moi, je voyais ça, par exemple, avec le travail et tout ça, je me disais, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à trouver un travail à un moment donné? Pourtant, j'étais bien habillé, beau, comme mon attaché-caisse, voilà. Je me suis dit, ça va passer. Ça passe pas. Mais parce que le patron qui est en face de moi capte quelque chose de moi. Eh bien, il a très bien compris qu'un côté de moi, mais avait tout sauf envie d'aller bosser, tout sauf envie d'avoir un chef. En somme, vulgairement dit, ça m'embêtait cordialement. Je comprends parfaitement donc, ce que vous coup, dites. Donc, du coup, j'ai créé le fait, en face de moi, on va dire clairement que les patrons ne me prennent pas, parce que c'était plus fort. Et on n'y croit pas vraiment. Ils sont pourtant pas médiums, mais ils perçoivent en tant que patron celui qui pourrait être un bon employé ou pas. Mais il n'y a pas de patrons qui perçoivent, hein. Oui, oui. Mais je comprends ce que vous dites. Par rapport à votre exemple-là, je comprends parfaitement ce que vous dites. Je vous ai compris, Marie. Ça fait très De Gaulle, ça. Ah je oui. vous ai compris. Ben, vous voyez, il me semblait bien que quelqu'un avait dit ça avant moi. 070 23 33 23. SMS 30 63, si vous voulez donc interagir avec Jean-Marie et avec moi par la même occasion, parce que je suis un petit peu... Je comprends ce que vous dites, d'accord? Je suis un petit peu derrière vous parce que je comprends parfaitement ce que vous dites. Jean-Marie Muller, notre invité suisse aujourd'hui. Venez découvrir notre toute nouvelle gamme Honda et profitez des 20% de remise sur nos véhicules de stock. Du jamais vu! Portes ouvertes ce 10 et 11 septembre chez Honda Ring Motor. 02 524 16 14. Ring Motor, c'est vraiment très fort! Vous êtes chaud ce soir ! Ce samedi, retrouvez tous vos artistes préférés en live. Dès 17h, Vivacité est en concert. BMW, aujourd'hui, c'est 100 ans de plaisir de conduire et d'innovation. Un anniversaire que nous fêtons en vous offrant les BMW Innovation Deals. Profitez par exemple de 11 675 euros d'avantage sur la BMW série 5. Une offre exclusive grâce à laquelle votre BMW est encore plus exclusive. Les BMW Innovation Deals, c'est jusqu'au 15 octobre chez votre concessionnaire BMW. Infos et conditions sur bmw.be. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah bah oui, ce sont les journées colossales chez Colishop. Avec des réductions gigantesques sur le linge de lit, les jouets et une foule d'autres articles. Jusqu'au 11 septembre sur colishop.be.

Elle habite là ou elle habite en Suisse, vers Zurich, je crois. Ah bon? Ouais. C'est plus que moi. Je suis pas très potin, moi. Je vais pas dire moi non plus parce que sinon je le dirais pas. Mais... Elle vit sa vie. Je suis très contente pour elle, quoi. Oui, voilà. Oui, mais elle a un talent. Voilà un talent que je partage. Elle vit sa vie depuis le temps. C'est oui, c'est bien. Bon, nous mettons en position de créativité. Voilà, c'est ça. Comment s'y prendre ou en tout cas comment mettre toutes nos chances d'y réussir du bon côté. Voilà, ça c'est la question que je vais vous reposer dans quelques instants. J'ai envie vraiment que vous donniez des pistes de réflexion à certaines personnes qui encore peut-être nous écoutent en ce moment en disant « Mais moi, j'y comprends rien, moi. Hein. » Se mettre en position de créativité. Pourtant, je trouve que vous êtes clair. Hein, mais vous voyez, il y a peut-être parfois des personnes... Quelles sont les questions qu'on vous pose après, quand vous donnez une conférence sur le sujet? Qu'est-ce qui peut interpeller? Après, bon, c'est clair, peut-être dans les conférences que je fais, les gens sont déjà dans une démarche. C'est plus facile à comprendre si on est déjà dans une démarche. Disons, on sort de l'idée que, comme on va dire dans tous ces siècles qui sont passés, ou même du médecin, on va, parce qu'on est malade, et quelqu'un va nous donner une solution extérieure pour que ça aille mieux, d'accord? Ici, c'est dans l'idée plutôt d'une démarche, où on va se dire, tiens, je suis créateur de ma vie, donc qu'est-ce qui se passe pour que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, d'accord? Et j'ai les outils, moi, pour en changer, parce que c'est important aussi, c'est pas juste la roulette russe en disant « toi t'as de la chance, moi j'en ai pas ». Donc le but c'est qu'en somme, on a tous de la chance puisqu'on est créateur. Il faut juste voir ce qui bug, ça c'est très important, pour pouvoir en changer, d'accord ? Et principalement au niveau relationnel, au niveau travail, donc comme je parlais de l'histoire du travail, c'est important de voir pourquoi, en somme, on n'est pas engagé. Parce que beaucoup de gens diront « ouais, c'est parce que je suis ci, parce que ça, parce qu'ils sont racistes ». Tout de suite, on va vers une chose extérieure qui n'est pas de notre responsabilité. C'est une cause extérieure, voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et ben moi, quand je me voyais et puis que des fois, je sentais l'alcool, il y a besoin d'aller chercher loin. Non, mais des fois... je ne me rendais même pas compte, il ne suffit pas d'avoir un attaché-caisse et puis une chemise bien, et puis d'être bien peigné, d'accord? Il y a quelque chose qui trace, qui fait qu'il y a un comportement à changer, d'accord? Donc je suis créateur de ma... à ce moment-là, un peu de ma misère aussi, d'accord? Et ça, c'est important de comprendre. Je demande aux auditeurs, peut-être, justement, ce mode création que j'entends très bien, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler d'autres, hein, mais comment ils ont peut-être changé leur fusil d'épaule, comment ils ont changé leur façon de voir les choses voilà, qui leur arrivent, les choses qui arrivent tous les jours, voilà, la situation. Comment est-ce que vous avez, peut-être, vous êtes placé en position... C'est difficile de dire. Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Je n'arrive pas à expliquer avec des mots. Donc comment... Tout à l'heure, on a eu une chouette intervenante en début d'émission qui dit « Moi, c'est vrai que j'ai changé d'attitude. » Oui. Voilà, on change d'attitude. Donc comment vous changez d'attitude peut-être pour avant être victime, peut-être plus victime. Oui, voilà. Et plus dans l'attente en disant de toute façon avec ce qui va encore me tomber sur le dos. Voilà, c'est ça que je ne veux pas entendre. Je veux vraiment avoir des personnes aujourd'hui qui vont nous dire « Sylvie, c'est vrai. Moi, j'ai arrêté de me dire ça. J'ai arrêté de me dire ça. Au contraire, je vais de l'avant et je dis je vais me mettre en position pour essayer qu'il ne m'arrive moins de tuiles qu'avant. » Donc c'est ça que je voudrais vous entendre dire. 070 23 33 23 et SMS 3063. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Bonjour, je viens pour la Golf. Oui, bien sûr, il y a déjà une Golf All-Star à partir de 14 990 euros. Oui, je sais, je la prends. Vous savez qu'elle dispose de jantes en alliage. 16 pouces, oui, de vitres teintées, d'une climatisation, oui, tout à fait. Ouais. Une série superbe. Et super équipée, oui, je sais, je la prends. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Golf All-Star super équipée à partir de 14 990 euros. Prime de recyclage conditionnel de 1500 euros déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. Olivier, qu'est-ce que tu fais ? J'inspire le quartier. Comment ça ? Je participe à l'appel à projet de Bruxelles Environnement. Pour lancer un potager collectif ou un atelier cuisine avec mes voisins, par exemple. Et ils offrent un accompagnement et un soutien financier. L'objectif, c'est de rendre le quartier plus durable. Génial ! Je participe. Inspirons le quartier. Plus d'infos sur environnement.brussels ou appelez le 02 775 75 75 ou rendez-vous à la séance d'information du 20 septembre. Bruxelles Environnement. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 50 cents l'appel. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil? Le petit orteil? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions, alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Chez Volkswagen, la solidarité nous tient à cœur. Vos vieilles lampes et ampoules valent de l'argent chez la galerie. Recevez un bon de réduction de 10 euros par ampoule et de 20 euros par luminaire que vous nous rapportez. Voir conditions en magasin. Rendez-vous dans nos magasins Zaventem et Drogen Boss ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Et oui, la fête continue chez AJD Caravane et Motorhome à Neupré. Vous êtes invité aux portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Vous pouvez découvrir les premiers modèles 2017 dans notre nouveau showroom. Vous profitez bien sûr de nos conditions spéciales 50e anniversaire. AJD vous propose aussi les derniers modèles 2016 à prix fou. En plus, nous vous proposons des promos anniversaires sur tous nos véhicules d'occasion. AJD Caravane et Motorhome, route du Condro à Neupré. Portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Plus d'infos sur AJD.be. Connaissez-vous l'humoriste français Jarry? Moi, je l'aime beaucoup. Eh bien, sachez que demain, dans le 8-9, Benjamin Maréchal recevra Jarry, remarqué à la télé chez Arthur, Drucker ou Stéphane Bern. Jarry arrive avec son spectacle atypique, mélange de stand-up, de personnages. Dans ce show, il est à la recherche d'un emploi. Il en profite pour partager ses différentes expériences professionnelles, du caissier de chez Lidl à membre du GIGN, en passant par Majorette. Ce sera le 7 octobre au Centre culturel Ducle, le 8 au Trocadéro à Liège, le 29 janvier au Centre culturel de Moucron. Vous aurez toutes les dates demain dans l'émission, dans le 8-9, avec Benjamin Maréchal et Jarry, donc son invité si vous souhaitez l'entendre. Boulevard Désert et Zaz, c'est tout de suite sur Viva. Mes chers amis, je suis en fête. Mes chers voisins, mon cher facteur, je vous laisse enfin une lettre que vous lirez tout à l'heure. On va pas se mentir cette fois, pour la dernière, je veux être clean. C'est le cœur libre que je vous quitte, sans grand discours et sans émoi. Je laisse tomber, j'abandonne, je largue tout, je pars devant. À vrai dire, je me trouvais morne, un peu pervers, un peu navrant. Ce n'est pas pour vous fâcher, et entre nous ça change à rien. Mais je m'en vais déserter, je pars voyager avec mon chien. Demain, de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain, de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. J'ai l'impression que pour le môme que j'étais, tout était tracé jusqu'à devenir un homme. Alors je me suis laissé aller. Le changement se déroule d'un coup d'un seul comme un coup de boule. C'est lorsque plus rien ne vous choque qu'on accepte de baisser son froc. Alors tout devient secondaire, les enfants, la mer et le froid. Et l'important c'est la carrière, vous comprendrez mon désarroi. Alors demain de bon matin, je laisserai tout derrière moi. Et ce sera moi l'orphelin de mes projets et de nos choix. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain, de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Et en passant mais pas plus con, mon cœur et mon corps à l'envie renaîtront petit à petit. Si je croise un ou deux vauriens en cours de route, j'en suis sûr, nous trinquerons à la nature, à nos amours et à mon chien. Qu'on ne me parle plus jamais, ni de mon job, ni de ses faits, qui en ferait de moi un dégueulasse, qui sont des traits qui me dépassent. Pour ceux qui jugent ou me recherchent, car je suis pas tout blanc, je l'avoue. J'ai pas dit peur que je me perche, inutile de me mettre au trou. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. Boulevard Gare des Airs et Zaz avec Demain de Bon Matin. Ben, vous donnera justement des bonnes résolutions à prendre demain de bon matin pour vous mettre en position créative à tout instant. C'est un peu le sujet de Jean-Marie Muller, notre thérapeute suisse, notre invité d'aujourd'hui qui sera en Belgique justement pour diffuser cette parole-là. Si vous souhaitez prendre part à la conversation, 070 23 33 23 ou par SMS 3063. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvoies, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc, et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. C'est vert. Eh oh, c'est vert. Quoi ? C'est vert, je te dis. Ben voilà, c'est rouge. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de vin italien Supremo Primitivo 2015 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil ? Le petit orteil ? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions, alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Parce qu'aimer la nature, c'est d'abord aimer les hommes. Peridaïsa, partenaire naturel de Cap 48. Vous allez jeter un fameux coup d'œil dans le rétroviseur ces 17 et 18 septembre à Francorchamps. Les Spa 6 Hours vous proposent de remonter le temps pour vivre les plus belles courses de voitures anciennes, dont les F1 des années 60 et 70 et les fameux 6 heures historiques. Programme complet sur spa6hours.com. Bon après-midi à l'écoute de Viva, il est 14h. Le flash de 14h, présenté par Delphine Vreux. Bonjour, Salah Abdeslam se tait à nouveau devant le juge. Il a une nouvelle fois été emmené au palais de justice de Paris, mais pour la troisième fois, il reste muet. L'interrogatoire a duré 1h30 environ. Son avocat belge, Sven Marie, était présent. Salah Abdeslam lui avait dit qu'il coopérait en France. Ce droit au silence lui appartient. Il n'est pas contestable, explique la défense de Salah Abdeslam, qui ajoute « On a bon espoir qu'un jour ou l'autre, il réponde aux questions du juge, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Le suspect clé des attentats de Paris refuse de parler parce qu'il est filmé 24 heures sur 24 en prison. Mais le Conseil d'État français a validé ce dispositif exceptionnel. » L'homme qui a jeté de l'acide sur une employée d'un Deleuze à Anvers l'an dernier. Cet homme avait regardé sur Internet des photos de victimes de telles attaques. Il est jugé pour tentative d'assassinat notamment. Il voulait aussi extorquer de l'argent à l'enseigne et avait menacé de s'en prendre à quelqu'un si Deleuze refusait de verser l'argent. Le groupe a fait plusieurs versements avant de les stopper. L'homme avait alors été repéré par des caméras de surveillance. Il est alors passé à l'acte. Le parquet réclame 20 ans de prison. L'ambiance sera tendue. Le gouvernement wallon va rencontrer mercredi prochain la direction américaine de Caterpillar, rencontre à Namur. L'objectif sera de connaître clairement les motivations du groupe qui veut fermer l'usine de Gosselies, mais aussi de le convaincre que le site est viable totalement ou partiellement en proposant des alternatives. 96 conducteurs wallons sur 100 étaient sobres cet été. Bilan de la campagne Bob était 6% de contrôle en plus. Et malgré l'Euro de football, malgré le beau temps, malgré toutes les occasions de faire la fête, le nombre de conducteurs contrôlés positifs est en baisse, une baisse de quasi 1% par rapport à 2015. Enfin, le Dalai Lama est à Bruxelles, à l'Université Saint-Louis ce matin. Il a assisté à une conférence internationale sur le Tibet. 50 pays discutent pendant 3 jours de la cause tibétaine. La dernière visite du Dalai Lama en Belgique remonte à 2012. Ce matin, il a livré un message de paix, de sagesse et avec humour. « Je suis persuadé que le pouvoir de la pensée est plus fort que le pouvoir des armes », a-t-il aussi déclaré. Le prix Nobel de la paix de l'année 1989 va rester plusieurs jours en Belgique. La très belle météo du jour, 24 à 28 degrés pour les maxima. Demain, un peu moins chaud, 24 degrés quand même, toujours avec de très belles éclaircies. Pierre Collard-Bovie, des soucis encore à Churette. Mais oui, toujours, c'est le même chantier qui nous embête quelque part depuis quelques semaines, depuis longtemps quand même en tout cas, sur le 40, donc Bruxelles-Aix-la-Chapelle, hauteur de Churette. Vers Bruxelles, la circulation est fluide, là, pas de problème. Mais vers l'Allemagne, entre Votem et Churette, vous perdez 45 minutes, autant le savoir évidemment. Un véhicule est en panne sur le ring de Bruxelles en intérieur à hauteur de Wautier-Brenne. La bande droite est neutralisée en direction de Grand-Bigard. Dans Bruxelles, vous ralentissez dans le tunnel arrière, ce centre vers le centre. Et puis au poste frontière français, sur le 17 Gand-Lille, vous êtes ralenti pour 15 minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. C'est la vie du bon côté, on va retrouver Sylvie Honoré. Merci Delphine, l'info revient à 15h. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Le beau vélo de Ravel, suite, ils n'ont pas faim. Évidemment, ce samedi, après le décor campagnard de Pérouet la semaine passée, place à la ville, avec une balade au départ de la place Saint-Lambert de Liège. Liège dont le réseau cyclable est bien développé, c'est ce que nous confirme tout de suite Adrien et son invité. Messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour parler du Ravel des villes. Bah oui, on était la semaine dernière sur le Ravel des champs à Pérouet. Ici, Jacques Bott, nous serons à Liège. Et je crois que pour vous, patron de Chemin du Rail, c'est une belle ville dynamique. Hein. Vous êtes heureux de parler de Liège. Oui, effectivement, c'est une, comme on vient de le dire, c'est une ville très dynamique où il y a un réseau vraiment performant. Il suffit de citer la passerelle qui, il y a quelques mois, a été inaugurée, la belle liégeoise, qui permet d'aller de la gare de Guimain et de rejoindre le Ravel au cœur de la cité. Et le parc de la Beuverie avec son nouveau musée, c'est un bel endroit. Hein. Je vous la recommande, elle est magnifique cette passerelle. Alors, ici à Liège, les déplacements au quotidien ont vraiment toute leur place. Oui, et on peut parler vraiment de déplacements vers les écoles, vers la gare, vers les lieux de vie, et on rencontre à la fois des vélos, on va dire ordinaires, mais aussi des vélos à assistance électrique. Ah, ça c'est bien, il faut jamais dire non vélo électrique, hein, c'est vraiment dans l'air du temps. Alors pour Chemin du Rail, c'est important de se repositionner pour l'ensemble des usagers qui empruntent le réseau autonome des voies lentes. Effectivement, pour Chemin du Rail, c'est très important d'être attentif à cet aspect et de faire en sorte que le Ravel soit accessible et confortable pour tous les usagers. Et donc, nous, on est particulièrement attentifs à ce que le sol soit dur et lisse et permette vraiment à tous les usagers d'y accéder. Ça reste praticable même quand il pleut. C'est rare en Belgique, la pluie, mais enfin, ça peut arriver. Hein, donc... Ça arrive de temps en temps, oui. Puis avec un Ravel entretenu, ça aussi, c'est important. Oui, le Ravel, c'est vraiment important. Il faut entretenir ce Ravel. Il faut permettre à tous les usagers de pratiquer ce Ravel. Nous, on préconise le fait que ce Ravel soit vraiment induré, qu'il puisse être accessible à chacun et chacune. Oui, et entre autres aux personnes en chaise roulante. Effectivement, puisqu'il y a eu des études qui ont été menées, notamment par les SBL Chemin du Rail et l'association Ex-Gamma, et fait en sorte que les conclusions, c'est dire, attention, si vous n'avez pas un sol dur et lisse, eh bien, vos petits trous, là, elles dérivent, elles vont à gauche, elles vont à droite, et ce qui amène vraiment un déséquilibre. C'est vrai que le Ravel appartient à tout le monde, alors ne prenons pas le Ravel, partageons-le. Exactement, au lieu de rêver un Ravel pour soi tout seul, il faut rêver au fait que le Ravel soit accessible à tous. Oui, debout citoyen, en selle citoyen, ce sera l'opération ce samedi 10 septembre à Liège. Nous serons installés place Saint-Lambert et à l'arrivée, le chœur de l'opéra de Liège et sur scène Suarez avec Alice on the Roof. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Ah, le beau vélo de Ravel, un événement que les Suisses nous envient. Oui, c'est vrai. Vous roulez à vélo en Suisse, Jean-Marie ? Je dois dire que je ne suis pas un spécialiste du vélo. Un vélo, J'y pense, puis j'oublie. Voilà. Oui, c'est ça. Vous ne vous déplacez pas de cette façon-là, quoi. Non, effectivement, bon, je pourrais donner une excuse, c'est que je suis très souvent en voyage et tout ça, mais c'est vrai que j'y pense vraiment. Parce que, bon, à partir d'un certain âge, il faut faire un peu de sport, il faut être plus dans le mouvement, et ça ne suffit pas que d'être dans les aéroports, de courir à gauche, à droite. Bon, on parle de ce beau vélo de Ravel à Liège. Vous serez à Verviers, au salon Zentopia, samedi de 14h15 à 15h30, pour donner une conférence sur le thème d'aujourd'hui, les secrets de la loi de création. Vous irez à l'essentiel, bien entendu. Toujours. Ça, j'imagine. Vous allez commencer comment, votre conférence, pour que tout le monde... Mais comme vous le dites, c'est vrai que les personnes qui viennent à une conférence et qui viennent assister à un sujet comme celui-là, ben, ils savent déjà... Oui. Peut-être à quoi s'attendre. C'est un peu différent, disons que j'entame la chose d'une autre manière, mais je ne sais jamais à l'avance ce que je vais dire. Ça. Je ne prépare jamais. Entendons-nous d'une conférence, même un stage, je ne prépare pas. Voilà. Bon, nous avons des questions, nous avons des témoignages. Je vois Sophie qui nous demande quelle est la différence entre la loi d'attraction et la loi de création. Je vous la poserai dans quelques instants, parce qu'on a aussi Laurent qui souhaite intervenir, qui pratique la pensée positive et la loi d'attraction depuis plus de 15 ans. Je pense que vous ferez quand même une différence par rapport à ça. Oui. Et on a aussi Stéphane qui voudrait des pistes par rapport à son travail, ne comprend pas toujours pourquoi ça bloque par rapport à ça. Et comme vous avez donné cet exemple-là, en disant que ça bloquait aussi chez vous, et que vous avez fait un travail sur vous-même, j'entends évidemment que des auditeurs sont intéressés par ça. 30-63, si vous souhaitez intervenir. 30-63 aussi, si vous souhaitez des renseignements par rapport aux journées d'ateliers que nous organisons à Mons et de conférences que nous organisons à Liège. Nous serons en effet à Liège avec la visite du musée de la Beauverie. Tiens, ça aussi, c'est compris dans le package que nous allons vous offrir. Conférences, émissions en direct, visite du musée de la Beauverie, concert et restauration pour 48 euros. Renseignez-vous, ne tardez pas. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. My clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Hold my steps, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right. You're right. And my heart just raced so much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. My clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why. Don't ask me why. Don't ask me why. Viva, ça fait bouger, hein, ça. Oui. C'est une musique joyeuse. assez joyeuse. Très joyeuse. Jean-Marie Muller, notre invité, il est thérapeute. Il sera en Belgique donc pour une conférence sur le sujet que nous abordons aujourd'hui, les secrets de la loi de création. Nous pouvons en effet nous mettre en position créative pour beaucoup de choses, pour beaucoup de situations. Ce n'est pas qu'une vision de l'esprit ou celle d'un fou. Vous ne l'êtes pas, parce que je comprends parfaitement ce que vous dites, donc je suppose que voilà, je comprends parfaitement ce que vous dites. Nous aspirons en effet tous au changement, nous aspirons à réaliser nos rêves, nous aspirons à nous créer des situations bénéfiques, on va dire, mm-hmm. ce qui sont pas, c'est pas, c'est la différence, c'est différent d'une situation positive, voilà, une situation bénéfique, c'est vraiment quelque chose qui nous amène du bénéfice, voilà. Dans quelques instants, c'est Laurent qui vous posera des questions, voilà. La pensée positive, la loi d'attraction, tout ça et tout ce que vous dites aujourd'hui, c'est du pareil au même ou bien on met tout dans le même sac ou bien on discerne. Laurent s'exprime 070 23 33 23 SMS 30 63. L'été n'est pas fini, mais c'est maintenant qu'il faut préparer l'hiver. Chez Williams, nous vous offrons des prix fous sur tous nos châssis, portes et portes de garage. Williams, la vie du beau. Prix fou Williams, c'est jusqu'au 30 septembre et c'est pour votre bien-être. Plus d'infos au 02 374 3006 ou sur châssiswilliams.be. Avant, pour acheter une voiture, on allait au garage. On s'asseyait dans les bagnoles, on touchait au bouton, on mettait la radio à fond, enfin, c'était chouette quoi. Et puis ça sentait bon le neuf et on discutait des heures avec un mec en costume qui connaissait tout sur tout. Oui, mais ça c'était avant. Hein. En septembre, Renault lance les portes ouvertes comme avant, avec des cadeaux, des animations, les toutes nouvelles Clio, Mégane, Talisman et des conditions sur toute la gamme. Ces 10 et 11 septembre, les journées portes ouvertes comme avant, c'est chez Renault Motors, partout dans le Brabant wallon. Vous ne rêvez pas. Vassieu Godot offre 21% de remise sur la literie, les box springs, les matelas et les sommiers à latte. Vous préférez encore dormir dessus? Profitez de cette action de rêve du 1er au 30 septembre. Vassieu Godot, Alzenberg, E19, sortie 20. Ouvert également le dimanche. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes. T'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat? Je sais plus. Arrête-moi ça! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Une place près d'un mur, attention à ma voiture, check à gauche, check à droite, ferme la porte et puis s'en va. Avec les caméras 360 degrés, se garer est un jeu d'enfant. Profitez de nos Techno Deals du 8 au 17 septembre. Il y a déjà un Nissan Qashqai à partir de 19 990 €. Nissan. Innovation that excites. Offre soumise à condition. Venez fêter les 30 ans du Coyote Superbiker de Metz. Comme chaque année, la plus grande compétition de supermoto au monde réunit plus de 400 pilotes au départ et de nombreuses animations. Le 30e Coyote Superbiker sur le légendaire circuit Jules Tachny à Metz, les 7, 8 et 9 octobre. Prévente superbiker.com. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la 2 et Vivacité. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Jean-Marie Muller, notre invité d'aujourd'hui, je vais mettre votre site internet sur la page Facebook de l'émission pour savoir tout sur vos activités, parce que vous serez non seulement au Salon Zentopia, mais vous reviendrez en octobre pour faire un week-end complet sur la guérison avec les êtres spirituels. Là, on est dans une autre dimension, hein, c'est un autre sujet. Mais enfin, ça intéresse évidemment des personnes, beaucoup de personnes. Donc voilà, je pense que l'info sera dans votre agenda sur votre site internet. Oui, normalement, il devrait tout y avoir, s'il n'y a pas de bug. Ok, donc voilà, comme ça vous savez. Laurent, bonjour, bienvenue Laurent. Bonjour, enchanté, bonjour Sylvie. Bon, pratiquez la pensée positive, pratiquez la loi d'attraction depuis plus de 15 ans. Donc vous comprenez ce qu'on veut dire? Oui, tout à fait. Surtout que moi, tout a commencé quand j'avais 16 ans. J'ai lu le bouquin du docteur Joseph Murphy sur le pouvoir du subconscient. Et de là, j'ai commencé à pratiquer, comme ils expliquaient dans le livre. Et j'ai remarqué, plus les années passaient, plus j'avais une facilité à créer ou attirer vers moi des choses, peu importe quoi, dans le travail ou personnellement, dans la vie affective aussi, les relations, simplement en demandant, un peu comme si on commande un meuble chez Ikea, en disant, voilà, je veux quelqu'un qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je me répète simplement le matin au réveil et juste avant de m'endormir, c'est les deux moments propices par lesquels ça se passe vraiment bien, au niveau de l'imprégnation, au niveau du subconscient, peu importe. Et ça peut prendre une semaine, deux semaines, un mois, mais ce que vous demandez, vous l'avez. Enfin, du moins pour moi. Donc, j'essaye d'initier la famille, des choses comme ça, mais les gens terre à terre, c'est comme votre invité disait, c'est compliqué de pouvoir inculquer à des gens qui sont terre à terre, de leur expliquer que ça fonctionne. Ils sont dubitatifs, voilà le problème. Bon, j'entends tout ce que vous dites, Laurent, et vous aussi, hein, bien sûr, Jean-Marie. Oui, oui. Mais c'est pas pareil ce que vous, vous voulez initier, Jean-Marie. Alors, non, c'est pas tout à fait pareil sans être totalement différent, oui. D'accord, c'est... Moi, je dirais ce que c'est comment son prénom Laurent a dit, c'est une partie de l'équation, d'accord. Le but, c'est de trouver, c'est d'être plus consciente de tout ce qui se passe, parce que je donne toujours des exemples précis de ma oui, vie, c'est comme bien, ça, c'est bien. Simple. Non, mais c'est bien, oui. Par c'est exemple, concret. Beaucoup de gens disent, oui, moi, je veux de l'argent, je veux tant par mois, d'accord. Alors, je souhaite à tout le monde d'en avoir beaucoup, on pourrait tous en avoir beaucoup sur Terre si ça circule, d'accord. Ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, j'ai pu voir que dans ma propre vie, il y a des choses que j'ai fait des choix, d'accord. Alors pour moi, une priorité, c'était de pouvoir travailler en fraternité avec les gens. Et le fait d'avoir trop d'argent aurait tout à fait... on est généreux avec tout le monde, mais on ne veut rien à faire avec les autres. Donc du coup, le but, ce n'est pas juste d'obtenir les choses, mais d'avoir au niveau de ce qu'on a choisi de vivre, c'est très important, et en plus d'être conscient. Parce que parfois, quand on n'a pas des choses, ou que l'argent ne rentre pas, ou d'autres biens matériels, on va dire pour être concret, c'est pas forcément parce que il y a des saboteurs en nous. Hein? Moi, je vois par exemple les gens qui ont eu des familles qui ont eu des déchirures avec l'argent. Systématiquement, beaucoup d'enfants après choisissent d'aller plutôt dans la pauvreté, juste pour éviter les conflits. Mmh. Alors le but, c'est pas juste d'avoir nouveau de l'argent, mais c'est de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est ça des fois que, si je prends par exemple la loi de l'attraction, certains ouvrages qui ont été faits sont vraiment magnifiques. Mais ces ouvrages, on peut percer, moi je trouvais, surtout quand il s'agissait, dire oui, mais d'abord, soyez quand même conscient, le but c'est pas juste s'entraîner chaque matin, sinon je prends ma feuille, je me lève le matin, je commence à réciter, oui, j'aimerais plus ça, j'aimerais que ma femme soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. L'essentiel, alors bien sûr, l'élément créateur par les pensées est un élément, mais il est un élément parmi tant d'autres, d'accord. On est constitué d'une multitude de parties qui, on va dire un peu, c'est comme des personnages intérieurs, d'accord, qui vont avoir des émotions, qui vont avoir leur propre vie et qui vont créer. Et moi, dans ma démarche, parce que j'ai quand même rencontré beaucoup de monde, je les vois dans les stages et tout ça, dans les séminaires, il y a certaines personnes qui sont devenues des vrais mentalistes. Et je trouve l'essentiel, c'est qu'on soit surtout des êtres vivants, d'accord, pétillants. Alors, ça ne veut pas dire ce que Laurent a fait. C'est pas bien. C'est pas bien, d'accord, non, on est bien là-dedans. Surtout que, oui, mais je vois des gens, sincèrement, qui tout d'un coup, ils passent une heure par jour à faire ça, et après, en plus, qui distillent leur enseignement toute la journée à tout le monde. Donc, je me dis, j'attends une vie plus spontanée. Et c'est vrai que... il faut pouvoir voir la source, comment on crée réellement. Et ça, c'est pas toujours évident. C'est difficile. C'est difficile de se rendre compte qu'à un moment donné, dans mon travail, moi, je pensais faire le mieux que je pouvais. C'était le cas. Mais je voyais pas qu'une partie de moi était tellement imbuvable qu'il voulait... je dirais un vrai enfant terrible, rebelle, qui est tellement fort que l'autre les capte. Il capte cette énergie-là. Mais on parlera du travail dans quelques instants. Mais je pense que Laurent... J'espère, a compris, d'autres personnes aussi, puisque Sophie posait aussi la question de savoir la différence entre la loi de création et la loi dont vous parlez, la loi d'attraction. Voilà, je pense que vous avez répondu quand même bien aussi dans votre réponse à Laurent, à cette question-là. On parlera avec Stéphane qui cherche des pistes par rapport au travail, qui ne comprend pas pourquoi ça bloque, donc ça aussi, je pense qu'on ira dans le concret par rapport à ça. 070 23 33 23, ou par SMS si vous souhaitez nous téléphoner. S'il faut mourir demain, que ce soit une belle fin. S'il faut partir un jour, autant passer sans tour. S'il faut prier quelqu'un, que ce ne soit pas pour rien. Mon nom, mon nom. Avant qu'on nous enterre, y a tant de choses à faire. Avant qu'on nous oublie, s'accorder un répit. Avant qu'il soit trop tard, attraper les retards aussi. Qui vivra verra, qui vivra saura, on meurt qu'une fois. À nous, avec M. Pokora notamment pour ce trio d'artistes. Jean-Marie Muller, tout seul sur scène, sera donc... Vous chantez, non? Ah oui, je chante. Oui, mais plutôt des chants, on va dire, instinctifs, spontanés. Donc voilà. Vous donnez une conférence, tout d'un coup, vous chantez? Vous entendez? Non, mais après, je fais un chant chamanique, oui. Ah oui, oui, oui. Ouais. Je vais en faire un, d'ailleurs, c'est une bonne idée. Pas maintenant. Non, non, vous inquiétez pas. On va répéter quand même, hein, juste avant. Vous allez me surprendre. Non, Est-ce qu'il y a des paroles? Non, il n'y a pas de paroles. J'utilise un langage, on va dire, des onomatopées, voilà. Ah. C'est plutôt aussi pour apprendre un peu aux gens, donc, parce qu'on nous a tous traumatisés avec ces notes à l'école et qu'on est souvent inspirés pour pouvoir chanter des choses. Mais c'est puissant, hein, quand je chante, il y a des gens qui pleurent comme ça. Je suis toujours très étonné. Étonné quand je vois ça. C'est vrai. Qu'est-ce qui... C'est que il y a une belle vibration, yeux. Quoi. Il y a une belle vibration. Ouais. Tout j'ouvre monde les yeux et puis je vois les gens qui pleurent. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ça? Vous ne riez pas quand même. Non. C'est un moment solennel et tout ça. Mais c'est aussi pour montrer aux gens, nous, d'être, hein, qu'on soit libre finalement. Parce qu'on a tellement été tous cassés à l'école. Chacun, chacun exprime une émotion différente, ça c'est sûr. Hein. On crée notre émotion. Aussi. C'est donc, je crée la mienne, je crée la vôtre en étant avec vous ici. Oui, tout à fait. Ici. C'est vrai, non? Oui. Bon, je suis dans le juste là. Oui. Je parle bien? Oui. Je crée l'émotion. On va créer ensuite, dans quelques instants, le temps d'antenne avec Stéphane, oui. qui accepte de nous parler et de vous poser des questions, bien entendu. Donc, on va aussi savoir ce qu'il faut travailler en nous pour justement se mettre dans cet esprit d'ouverture de création. À tout de suite. À la maison, profitez plus ensemble. Regarde mon cœur, la robe de cette actrice. Elle m'irait bien, non? Je like. Oui, et les chaussures, elle est top cette paire, non? Je like. Et le sac à main assorti, je le prends? Je like. Mon cœur, c'est toi que je like. Pendant qu'elle regarde son film à la TV, il surfe sur Facebook grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins. À partir de 39€ par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Vivacité et la Une présente Italia Chevetogne, le plus grand rassemblement de la communauté italienne de Belgique avec un seul maître mot, authenticité. Cet événement se déroulera les 10 et 11 septembre 2016 au domaine provincial de Chevetogne. Plus d'infos sur l'événement Facebook Italia Chevetogne 2016. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Invité exceptionnel de cette 191e édition, la Grande Roue de Paris pour découvrir Anderlecht autrement. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. À 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. On la prend du bon côté, en effet, chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, avec des invités qui nous, qui sont de passage en Belgique. Ça, c'est génial. Et que, voilà, qu'on s'est vu une fois, on se voit une deuxième fois, on se verra peut-être une troisième quand vous reviendrez. C'est ça qui est génial pour moi, c'est que c'est un flot de rencontres, quoi. Hein, des personnes qui m'écrivent pour me demander de parler de leur livre, de leur conférence, de leur atelier, de leur spécialité. Donc, voilà. J'ai pas le temps, vous voyez, de répondre à tout le monde. Parfois, c'est frustrant. je comprends parce que, c'est en Suisse, vous n'avez pas une émission qui est consacrée à ce genre de sujet, donc c'est encore trop tôt. Et en France, dans les chaînes nationales, pas tant que ça non plus, donc c'est quand même... Mais alors c'est très tard. Je suis en contact, figurez-vous, avec deux animatrices d'Europe 1 qui ont ce genre d'émission le soir et qui on s'appelle et voilà. D'ailleurs, je vais aller à Paris faire une émission avec eux, avec elles. Et alors, elles me disent, c'est marrant parce que tu abordes des thématiques que nous, on aborde très tard le soir, quoi, après 23h. Et alors, toi, tu en parles entre 13h et 15h. Mais déjà, c'est un pas, hein, en France, non, mais c'est de vrai. Parler à 23h, si on parle de ces choses-là, ça doit être bien emballé. Et ben oui. En Suisse, dans les chaînes nationales ou tout ça, il n'y a pas ce genre de discussion, parce que c'est un peu tard. tabou. C'est un peu touchy, c'est un peu touchy. C'est pour ça que ma mission à moi, c'est vraiment d'utiliser des mots concrets. Oui. Est-ce qu'on est dans le concret, Stéphane ? Bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Monsieur Muller. Bonjour. On est dans le concret, vous comprenez bien ce qu'on veut dire aujourd'hui ? Je comprends très bien ce que vous voulez dire, parce que moi-même, je fais la réflexion de ma remise en question quand il y a quelque chose de négatif qui se passe dans ma vie. Et le sujet m'intéresse beaucoup. Et justement, quand j'écoute votre émission, je suis un peu en manque de pistes d'ouverture pour créer des ouvertures au niveau positivité. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est au niveau au niveau travail. Bon, voilà, j'ai 54 ans, c'est le seul point, je vais dire entre parenthèses, mais je n'aime pas l'appeler comme ça, négatif, que j'aurais pour par rapport à un employeur. Je parle de quatre langues, le français, l'allemand, le néerlandais et l'anglais. J'ai 10 ans d'expérience dans mon secteur, qui est un secteur commercial, technique commercial, et j'ai très difficile à persuader ou à sentir mon interlocuteur quand j'ai un entretien d'embauche, justement par cette positivité, par cette créativité-là que je pourrais dégager. J'entendais tantôt M. Muller disait « Bon, j'ai mon attaché caisse, j'ai une belle chemise blanche, je suis bien peigné et tout, mais ce n'est pas que ça, justement, c'est le reste qui est important. » Et par rapport à ça, voilà, j'interviens peut-être aussi un peu dans le sens de la pensée ou de la réflexion de M. Muller, dans le sens où, par rapport à tout ça, la vie est une chaîne. Et par rapport à tout ça, tout est lié. Donc, qu'est-ce qui est lié par rapport à ça ? N'ayons pas peur de le dire, la dépression. Eh bien, pour la dépression, comme M. Muller, je ne prends pas de cachet. Je me soigne, je me guéris, je m'auto-analyse et je réflexionne. C'est pas français, mais bon, on peut l'ajouter si on veut au dictionnaire. Oui, on dit moi-même. Ça. Moi-même. Donc, là, déjà, je suis déjà un peu sans connaître M. Muller et sa façon de faire, je suis déjà un peu dans cet aspect-là aussi. Quoi. Jean-Marie. Alors, je vais essayer de répondre à plusieurs niveaux, d'accord ? Comme je dis, à la fois c'est pour les auditeurs et à la fois ce sera pour vous précisément, d'accord ? Maintenant, si j'ouvre mes yeux, j'entends tous mes yeux, d'accord ? Je dirais que... directement, quand vous parlez encore, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse. D'accord ? Par exemple, ça, on a beau faire un sourire, s'entraîner avant, ça se sent. D'accord ? Donc, même si en face de vous, vous n'avez pas forcément des médiums ou tout ça, tout le monde a des capacités. D'accord ? Donc, un patron va capter ça, certaines choses qui sont encore à travailler en vous, d'accord ? Qu'on sent, d'accord ? Maintenant, comme je dis, il y a pas que ça. Mais disons... par exemple, je vous donne nouveau un exemple, hein, juste comme ça. On imagine qu'on a peut-être un côté de nous, on se dit « mais moi j'en ai ras-le-bol de ce travail, tout ça ne m'intéresse pas, je le fais que pour l'argent et tout ça ». Ça se sent aussi. Ce sont des genres de pensées, d'émotions qu'on a à l'intérieur, qui viennent des fois de plus en plus fort, qui sont tellement fortes que ça s'entend mieux pour le patron que le langage que vous avez là. Mm-hmm. D'accord ? Je m'entends, c'est que si maintenant je prends votre cas particulier, à mon avis, voilà, ça c'est une chose que je peux vous donner concrètement. Vous avez une partie de vous qui souffre. Et cette partie, il faut s'en occuper mieux. Il faut que l'émotion que vous avez aussi à l'intérieur puisse sortir. Parce que ça affecte, même avec la meilleure intention du monde. C'est comme si vous disiez, je traduis, hein, traducteur universel, c'est comme si vous disiez, sans vous en rendre compte au patron, « Ouais, finalement, je ne suis pas si solide que ça, j'ai encore de la tristesse ou quelque chose. » C'est fort. Donc forcément que le patron. Donc c'est à travailler cette partie-là de vous, hein, mais sans non plus casser. Il ne faut pas se culpabiliser là-dedans. On en a tous, d'accord. C'est simplement c'est une partie de vous qui a besoin d'un espace pour pouvoir exister. C'est comme des fois on a des enfants à l'intérieur, terribles. Moi, j'avais un enfant qui voulait tuer tout le monde. Mais votre enfant intérieur, ce que vous appelez l'enfant intérieur. Le temps que je m'en aperçoive, j'ai quand même vécu 20 ans dans une misère noire, en devenant alcoolique, en bousillant tout ce que j'avais sur mon passage, avant de m'en rendre compte, d'accord ? Alors, vous n'en êtes bien sûr pas là, parce que moi, c'était vraiment l'extrême, mais ça demande à être travaillé, ces parties-là de nous, d'accord ? Et l'émotion qui est à l'intérieur, elle vibre. Si vous êtes plus triste, d'accord, à l'intérieur, la fréquence, c'est de la physique. C'est de la physique, tout simplement. C'est que l'autre le capte. Alors, les gens disent, oui, mais ils n'ont pas fait un travail comme toi. Mais le patron est plutôt ouvert à sentir où ça bug. D'accord. Et ça, c'est important. C'est vraiment très, très important de pouvoir le... Ouais. On va dire certains patrons, hein. Certains. Certains parce patrons. Que, voilà, encore une sûr, fois, les personnes vont me dire, mais Sylvie, on ne parle pas de tous les patrons. Hein. Parce que après, j'ai des coups de fil après l'émission en disant, ah bah le mien pas, hein, Sylvie. Non, mais parce que... Ils sentent rien. Ils sentent rien. C'est que certains, comme on dirait chez nous, ils ne verraient pas l'eau au lac ou le feu au lac. Mais encore une fois, on parle des patrons parce qu'on prend le domaine professionnel, mais ça vaut pour toutes les personnes qui ont envie de ressentir donc ce qu'il y a en effet. Parce derrière. Qu'on pourrait inverser le rôle. Oui, aussi. Il y a des patrons, bah, justement, ils tombent tout le temps, ils savent pas pourquoi. Le type, il a des compétences, ils sont pas mais au niveau, niveau émotionnel, au niveau relationnel, il y a toujours les mêmes problèmes qui arrivent. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose d'autre derrière qu'on a de la peine à aller voir, à aller sonder, d'accord ? C'est pour ça que ça... On va aller tellement loin à un moment donné pour voir comment on va créer tout ça. Qu'est-ce qui fait ? On attire, oui, attraction, mais avant ça, il y a ce qu'on crée. Parce que ce qu'on attire, c'est quelque chose en nous qu'il crée. C'est ce quelque chose qui est important d'aller voir. À mon avis, c'est un seuil difficile parce que moi, en tout cas, j'ai vu. Hein, donc, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et au moment où j'ai commencé vraiment à aller voir et à travailler à un niveau plus profond à l'intérieur de moi et de voir que j'étais capable de faire des choses comme ça, c'était pas forcément drôle tout de suite. Ouais. D'accord ? Ça, c'est bien ce que vous venez de dire. Avant l'attraction, il y a la création. Oui. Donc, on parle vraiment de la genèse de la genèse, ce qui se met en place. Oui. Hein ? Je comprends parfaitement. Voilà Stéphane, j'espère encore une fois qu'on a un peu répondu à votre question. On n'a pas non plus le temps de ne parler que de ça. On aimerait vous faire intervenir sur autre chose. Juste après, Henri PFR et Home, que voici. Henri Besser avec Home. Je viens de cliquer sur le petit onglet YouTube sur votre site internet. Vous en avez fait pas mal hein, des vidéos, Jean-Marie. Oui, oui. Franchement déjà, j'aime ça parce que c'est un moyen de communiquer où on a l'image, le son. Donc, ça apporte pas tout, mais il y a beaucoup d'informations. Beaucoup. Surtout dans les plus grandes vidéos, mais même dans les petites, j'essaie d'amener le plus d'éléments possible pour déjà aider un bout les gens. Voilà. Bien. Voilà, donc vous cliquez sur son site internet, sur le petit onglet YouTube, et puis vous arrivez directement sur les vidéos qui ont été vues pas mal de milliers de fois. François, dans quelques instants, s'exprime. Il fait une corrélation, Jean-Marie, entre ce que vous dites, entre vos propos, et ce qui se passe chez les alcooliques anonymes. Quand vous disiez qu'on voulait du concret, là on est dans le concret, on a des situations de vie, on va dire. François s'exprime dans un instant. Sur la Lune. Elle est sortie de son sac de sport et tout ce qu'elle a vécu avant, elle l'a oublié. Tous ses tatouages sont récents. C'est une carte au trésor. Chaque tatouage est une clé. Chaque clé conduit dans le crime. Blind Spot. Les trois premiers épisodes, ce jeudi sur la Une. Vous avez raté un ou plusieurs épisodes de la deuxième saison de la websérie Pas de stress. Ayez le bon réflexe et regardez vos épisodes où, quand et comme vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, film inédit. C'est quoi ça? C'est mon texte. Ça, c'est Franck, votre doublure. Franck, votre doublure. Ma quoi? Votre doublure. Dans les films spectaculaires, on travaille avec des doublures, vous comprenez? Non, pas vraiment. C'est quand même plus spectaculaire comme ça, non? Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Bah oui, déchaînez-vous. Koa Koa, Koa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, Koa Koa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60€ par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Vivacité. 13h-15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Jean-Marie Muller en Belgique. Vous venez souvent en Belgique sinon? Pas assez, mais non, mais j'aime bien. Je suis venu la première fois l'année passée, on a fait un stage. Ah oui, oui, je me souviens. Oui. C'était la première fois l'année dernière. Oui. Et en plus, j'ai commencé, je crois, à la radio ici. Ouais, oui, c'était votre premier moment. Voilà, en Belgique. Et quel moment avec Radio Vivacité. Responsable de votre premier vécu. Oui, voilà, exactement. En Belgique, c'était votre premier vécu. Responsable, mais pas coupable. Non, jamais. C'est pas moi, c'est l'autre. Bonjour François. Bienvenue. Bonjour Sylvie, bonjour Jean-Marie. Bonjour. Vous faites une corrélation, une similitude peut-être entre les propos de Jean-Marie et ce qui se passe chez les alcooliques anonymes. Pourquoi? Tout à fait. En fait, dans le principe des alcooliques anonymes, je ne sais pas si Jean-Marie, comme j'ai pu comprendre, a eu quelques déboires avec la bouteille de par le passé. Déboires, c'est le cas de le dire. Voilà, beau jeu de mots. Simplement, le fait d'accepter, en fait, d'accepter les choses qu'on peut changer, mais surtout le courage de changer les choses qu'on peut, ça rentre un peu dans le système justement de la création. Par rapport à pas mal de choses, donc c'est savoir lâcher prise 24 heures à la fois surtout, mais surtout se dire que on ne peut pas changer les autres et qu'il faut d'abord s'accepter soi-même. Alors c'est clair, le problème c'est qu'on sait pas toujours qu'est-ce qu'on est soi-même, d'accord? On voit certains bouts, mais il y a des bouts des gros bouts qu'on voit pas de nous, donc c'est difficile, parce que sinon on va être dans une forme d'acceptation intellectuelle, d'accord? Moi, par exemple, je souffre dans mon être et que je vois que je suis plein de colère, ça, accepter, c'est oser d'aller dans la voiture ou dans la forêt, puis sortir. Parce que souvent, on est là, un peu dans ce côté méditatif presque, où on se dit, tiens, je m'accepte, mais on ne s'accepte pas vraiment. C'est un peu, je me refoule aussi. Voilà, mais je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas fait vraiment partie des alcooliques anonymes. Mm-hmm. Bon, je buvais énormément, hein, à la fin du parcours, c'était épouvantable. J'ai été une fois, pour voir. Alors, je pense que ça aide beaucoup de gens, hein, d'accord. Maintenant, dans le principe, je crois que ce n'est pas la même chose partout. Non. Ah, c'était un peu trop axé sur la religion, en tout cas là où j'étais, je trouvais un peu pénible, voilà, parce que... Oui, ce qui est dommage, puisque ce n'est pas du tout le principe. On va dire que ça ne se passe pas partout comme ça, hein. On n'est pas du tout en train de juger. Chez moi, là où j'étais, qui ne me convenait pas. Mais je suis convaincu, parce que quand on a vécu des années là-dedans et qu'on s'en sort... c'est bon d'avoir un soutien. Maintenant, comme je dis, il y a des choses où moi, je m'identifiais plus, parce que c'était aussi, ça faisait partie un peu de s'identifier. Je suis alcoolique. Moi, une fois que j'y suis plus, je vais pas, voilà, c'est comme le jour où je me guéris d'un cancer, je vais pas me présenter. Mais c'est comme... difficile de dire je suis, je comprends parfaitement. Ouais, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'une partie de vous qui était pas tout le temps à la maladie, surtout quand j'y suis plus. Bien sûr, je comprends et parfaitement. Et puis, mes techniques pour la travailler, bon, moi, je travaille avec des gens qui ont ce problème-là, je vais aussi loin, c'est vraiment à la source de comment, justement, qu'est-ce qui a fait qu'on a plongé. Parce que des fois, on se dit, oh ben, quand tu auras du travail, ça va aller, quand tu auras une nouvelle femme, ça va aller. Mmh. En réalité, c'est beaucoup plus profond que ça, d'accord. Et c'est un mécanisme de défense par rapport à une souffrance profonde, voire beaucoup de souffrances profondes. Donc, du coup, pour moi, c'est important d'y aller. Mais comme je dis, après ce qui se passe là-bas, c'est déjà des groupes qui c'est là pour améliorer quelque chose, d'être, parce que c'est pas évident de sortir d'années d'alcoolisme, parce qu'on sort d'un état à un autre et de s'en sortir, voilà. Voilà, il faut de l'aide. Alors moi, j'aime bien, après il y a beaucoup de sortes d'aide aussi, hein. Moi je prône beaucoup le fait de ce qui a manqué, en tout cas en tant qu'alcoolique chronique, c'est d'avoir à nouveau une vie intense, drôle, légère, faire des petites choses. Des petites choses qui m'ont tellement amusé, même d'aller au plein milieu d'été manger simplement une glace sur une terrasse, c'était déjà compliqué pour moi. Refaire ces petites choses, d'avoir contact aussi avec des gens qui savent rire, qui aiment la vie, c'est bon. Voilà. Après... comme je dis, effectivement, il y a tellement de choses à faire. Bon, bah merci François d'avoir soulevé malgré tout une partie de vous. Hein. Oui. Ça reste une partie de vous. Je pense que sans ce parcours, vous ne seriez peut-être pas là. Non, je dis, je ne le referai pas, parce que ça a été tellement loin, j'ai failli mourir plusieurs fois, tout ça. Mais en même temps, ça m'a donné un bagage. J'étais en plus alcoolique et toxicomane, donc il y avait vraiment un... plus un fumeur invétéré, ça fait beaucoup à la fois, c'est déjà un miracle que je sois vivant, mais ça m'a laissé quand même une expérience vraiment très riche et de pouvoir comprendre comment ça se met en route et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai qu'on va toujours un peu plus loin et à un moment donné, on tombe à la source, c'est ce qui m'intéresse. C'est qu'on voit des parties très claires de nous qui souffre comme un enfant intérieur qui n'a jamais pu sortir cette haine, cette colère, parce que c'est tabou, je devais être gentil. Donc j'ai été gentil, seulement que celui qui a envie de crier à l'intérieur meurt à petit feu. Et il va, en somme, lui, va créer. C'est comme un appel, d'accord. Je vais créer des choses de plus en plus fortes. Et je peux vous assurer que dans ma vie, c'était tellement désastreux. À un moment donné, même je prenais un ordinateur, ça se bloquait, c'était terminé. Je me souviens du professeur, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas possible. On peut pas faire ça avec un ordinateur neuf. J'ai dit, oh oui. C'est que des fois, je disais, ne touche plus rien parce que ça devient dangereux. Donc, il y a bel et bien quelque chose en moi. Après, je peux dire, voilà, c'est la scoumoune, la chèvre. Mais, comme j'ai été une chèvre, effectivement, j'ai pu voir clairement comment comment ça se passait. Maintenant, je revois, hein, quand cette même partie... Elle pointe le bout de son nez, mais très délicatement, je vois ce qu'elle peut faire. Même sur mon corps, comment elle peut me rendre malade aussi. Hein. Quand même intéressant de savoir comment on arrive à se rendre malade. Pour sortir aussi des choses dramatiques, d'accord. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre une leçon de vie aussi par des choses simples, hein, là, sans devoir aller dans les extrêmes ou être au bord de la mort pour dire « Ouh là là, il y a quelque chose qui appelle en moi ». On en parle assez souvent dans les émissions. Merci en tout cas de nous livrer cette partie-là de votre vie, que j'ignorais. Jean-Marie Muller, qui sera au salon Zentopia ce samedi, de 14h15 à 15h30, pour donner une conférence à ce sujet. Il reviendra en atelier le week-end des 15 et 16 octobre à Waterloo pour un atelier sur la guérison avec les êtres spirituels.

Lavoine et Claire Kame avec Je ne veux qu'elle, Jean-Marie Muller. Ouais, c'est déjà le temps de la conclusion. Oui. C'est difficile de conclure. Oui, hein, c'est affreux. Un sujet comme ça. Alors, j'ai l'impression de n'avoir que commencé, oui, finalement. C'est vrai, mais bon, oui. Qu'est-ce que les gens doivent retenir? Allez, si. S'il fallait. C'est difficile, hein, c'est ça la question. C'est la question. Qu'à chaque moment, ils peuvent se mettre en position créative. Non, je pense que je pourrais peut-être leur dire déjà, un, c'est de partir sur une belle base. Nous sommes des êtres extraordinaires, fantastiques. Potentiellement. On est beaucoup plus... On est dans une société où il n'y a que quelques personnes qui sont mises en valeur, mais on a des capacités qui sont vraiment extraordinaires. Et déjà ça, même si on arrive à créer un peu des désastres, parfois, c'est toujours qu'on est puissant, on est rayonnant. Donc déjà ça, c'est une belle chose. C'est une bonne nouvelle. Et puis, deuxièmement, je pense vraiment, j'invite aux gens, c'est vraiment se poser des questions justes. Quand il arrive 10 fois quelque chose dans la vie ou que des choses vont pas, c'est pas de s'arrêter juste en disant, ouais, c'est la malchance, oui, c'est parce que j'ai pas ci, j'ai pas ce que c'est comme ça dans notre famille. C'est de dire, ok, si c'était moi-même, pour oser, encore pas aller totalement dedans, mais juste dire, si c'était moi, quel intérêt? Des fois, on a un intérêt à créer certaines choses dans notre vie. C'est vraiment de se poser des questions. Parce que quand on se pose des questions, il commence à y avoir des réponses. Mais souvent, dans notre société, moi je vois, un boulot, dodo, on se pose pas la question, on est là, on continue, divorcé, pas divorcé, bref, on y va jusqu'à la mort, on attend la retraite. Et dans cet esprit-là, rien. Pourtant, vous le créez déjà, hein, donc vous êtes déjà créateur, il n'y a aucun problème. Mais on ne se donne pas la chance. Moi, je vois ma vie, c'est vraiment ce que j'avais choisi à une époque. Donc, je la crée de plus en plus parfaitement. Alors, il y a des choses que je n'y arrive pas encore et des choses que j'y arrive. Donc, du coup, on peut y arriver, oui. À tout âge, quel que soit oui. Le passé, voilà, quelles que soient les choses du passé, vous êtes là aussi pour le prouver. Oui. Voilà, ceux et celles qui nous ont pris en cours de route pourront toujours nous réécouter. Oui. L'émission sera en podcast, ça veut dire qu'elles pourront, ils pourront nous réécouter à n'importe quelle heure. Votre site internet est sur la page Facebook. Merci Jean-Marie, bienvenue en Belgique. Merci, pour la deuxième fois de votre vie. Oui. Dans quelques instants, c'est l'émission Les Retours qui s'installe. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Bon après-midi à tous, nous connaissons la journée la plus chaude de la semaine avec des températures de 25 à 28, voire localement 29 degrés possibles du côté de la Campine, toujours beaucoup de soleil, peu ou pas de nuages, quelques voiles d'altitude par endroit et demain, eh bien, on gardera ce soleil même si le vent passe au secteur sud-ouest et on change légèrement de masse d'air. On notera encore de 21 à 24, voire localement 25 degrés pour demain. Le week-end sera lui un petit peu plus nuageux. On regagne 1 ou 2 degrés samedi, le ciel devient menaçant en soirée. Et puis dimanche, des nuages le matin, des éclaircies l'après-midi et des températures de 17 à 23 degrés. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Invité exceptionnel de cette 191e édition, la Grande Roue de Paris pour découvrir Anderlecht autrement. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Bienvenue au Godillo, la référence toute marque en chaussures pour toute la famille et le plus grand choix en pointure femme du 35 au 42. Route de Genneval 31 à Lannes. Vaste parking. Godillo, service et qualité en amour. Ouvert ce dimanche de 14h à 18h. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du beau vélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Et pas pour les canapés. Non. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Renseignez-vous sur abiome.be. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Et vous écoutez Vivacité, il est 15h. Et à 15h, l'info vous est présentée par Delphine Vreux. Bonjour Delphine. des insultes et des messages politiques inadéquats, l'un des deux panneaux du mur de souvenirs dans la station de métro de Malbec sera retiré dans les prochains jours. Nous avons de la peine, confie la porte-parole de la STIB. Ce panneau, le deuxième à avoir été ouvert, sera nettoyé puis rangé dans les archives. Le premier panneau, lui, est resté intact. Il reste en place. Il avait très vite été recouvert d'un plexiglas. On y lit les messages et les hommages aux victimes de l'attentat du 22 mars. Le gouvernement wallon se prépare à rencontrer la direction américaine de Caterpillar la semaine prochaine, sans vraiment espérer une marche arrière à la fermeture de l'usine de Gosselies. Nous verrons l'état d'esprit, commente le ministre wallon de l'économie, Jean-Claude Marcourt. Des alternatives seront aussi évoquées. Par ailleurs, la Wallonie a demandé une étude sur les effets d'une éventuelle baisse de